إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، c'est notre troisième assise autour de l'étude de l'interprétation des conditions de la ilaha illallah de Cheikh Obeid Hafidhahullah Ta'ala, et où il interprète les conditions de la ilaha illallah citées par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa ghafara lah. Et nous sommes à la deuxième condition, qui est la certitude. فمع الشرط الثاني اليقين، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. Et donc la certitude, qui est le fait, la parfaite connaissance de la ilaha illallah, cette parfaite connaissance dans laquelle il n'y a aucun doute, dans laquelle il n'y a aucun doute, puisque la certitude, son contraire, c'est quoi? C'est là le doute. Et la science, la première condition de la ilaha illallah, son contraire, c'est quoi? C'est l'ignorance. يقول ودليل اليقين قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا فأما المرتاب فهو من المنافقين. Il dit, et la preuve de la certitude, c'est ce verset où il est dit, certes les croyants sont ceux qui ont cru en Allah, en son messager, ils n'ont aucun doute. Ils n'ont pas douté. Et s'ils n'ont pas douté, son contraire, c'est quoi? C'est qu'ils ont la certitude. Hein? Ils n'ont pas douté. Ils ont combattu avec leur fortune et avec leur corps sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, ce sont les véridiques. Et il dit, Hafidhahullah ta'ala, il a mis comme condition pour qu'ils soient véridiques dans leur foi en Allah et en son messager, le fait qu'ils n'avaient pas de doute, le fait qu'ils étaient dans une certitude, qu'ils n'avaient aucun doute. Car celui qui a des doutes, c'est l'hypocrite. Celui qui a des doutes, c'est l'hypocrite. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة وهو عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى كذلك. Et il cite les preuves de la sunna. Il cite ici deux hadiths, deux versions d'un hadith. Ce hadith confirmé du prophète alayhi salatu wasalam dans l'authentique, c'est-à-dire chez l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, il hadith d'Abi Hurairah radiallahu anhu a dit, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, et que je suis le messager d'Allah, hein, le serviteur retrouvant Allah subhanahu wa ta'ala avec, sans avoir aucun doute là-dessus, rentrera au paradis. Sans avoir aucun doute là-dessus, c'est-à-dire ayant la certitude sur cette attestation, il rentrera au paradis. Et dans une autre version, le serviteur rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala en n'ayant aucun doute, et sur quoi? Sur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y aura aucun voile entre lui et le fait de rentrer au paradis. Aucun voile entre lui et le paradis. وعن أبي هريرة أيضا من حديث طويل من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة إيش الإمام مسلم رحمه الله تعالى الحديث دبي هريرة dans un hadith très long le témoignage on est cette phrase le Rasoul صلى الله عليه وسلم était dans un jardin. Abu Huraira est rentré dans ce jardin et après Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Tout ce que tu trouves derrière le mur de ce jardin et qui atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, en ayant la certitude dans leur cœur, annonce-leur le paradis. » En ayant quoi? La certitude dans leur cœur sur l'attestation, annonce-leur le paradis. Wa qawlu ay قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله يقول إنما أداة حصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه والمعنى أن من أهل الإيمان الحق ظاهرا وباطنا من آمن بالله ورسوله قولا وعملا واعتقادا غير شاك في ذلك ولا مرتاب وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله ولهذا قال أولئك هم الصادقون. Et cher de nous citer l'interprétation du verset cité au début. Certes, les croyants sont ceux qui ont cru en Allah et en son messager. Alaykoum salam wa rahmatullah. Certes, c'est un outil pour arrêter les choses. On a certes, c'est pour arrêter, pour la description, c'est pour arrêter que le jugement cité, il est que pour ceux-là, il est que pour les croyants, hein, et il n'est pas pour les autres. Ce qui veut dire qu'il y a parmi les gens du foi, les gens de la foi véridique, qui ont la foi en apparence et dans leur fort intérieur, des gens qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, en son messager, avec la parole, avec les actes et avec les croyances, sans avoir aucun doute, en ayant la certitude, et qui ont combattu pour Allah subhanahu wa ta'ala avec leur fortune, leurs âmes, leur corps, sur le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là, leur hukm c'est quoi? Il a dit ceux-là ce sont les véridiques. C'est seulement ceux-là qui sont les véridiques. Hein? Le certes, c'est pour arrêter ce hukm sur ceux-là. والشاهد من الآية ثم لم يرتابوا وفي الآية غير ما استدل له المصنف دليل على أن العمل من مسمى الإيمان. Et le témoignage dans ce verset pour cette condition qui est la certitude, ils n'ont pas eu de doute. Et le contraire du doute, c'est la certitude. Et il y a autre chose qui est une preuve ici pour les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, de laquelle n'a pas parlé Cheikh Mohamed Abdel Wahhab, rahmatullah alayh, c'est que les actes font partie de la définition de la foi. Les actes font partie de la définition de la foi. Parce qu'il a cité le combat sur le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de dépenser sur le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala, et au début il a parlé certes les croyants. Et il a dit à la fin, ceux-là ce sont les véridiques. Hein? ووجه دلالتها على ذلك ذكر الجهاد في سبيل الله وهو عمل ضمن خصال الإيمان الواردة في الآية هاته في الحجرات. Et La preuve, c'est qu'il a cité le combat au milieu, sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, au milieu de ce verset. Et que c'est un acte qui fait partie des caractéristiques des gens de la foi. Hein? Des caractéristiques des gens de la foi qui sont cités dans Surat al-Hujurat, ici dans ce verset. وَيَدُلُّ لِذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ يَدَيْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِي ذِي الْجَرِّ فَقَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْوَفْدُ أَوْ مَنْ الْقَوْمُ قَالُوا رَبِيعَةَ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أو بالوفد غير خزايا ولا نداما قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله جميعا. Prouve ceci aussi, ce qui est rapporté dans la Sunna, dans les authentiques chez l'imam Bukhari, chez l'imam Muslim, Rahimallahu Aimmat al-Muslimin, de Abi Jamra, il a dit, alors que j'étais en train de traduire, devant Ibn Abbas, radiallahu, entre Ibn Abbas et les gens, tout d'un coup, une femme est venue pour lui poser la question sur une forme de boisson. Comme une boisson dans laquelle ils appellent Nabi, dans laquelle ils marinent les raisins ou les dattes dans de l'eau. Et il a dit, le Bas a dit, que la délégation de Qais sont venus voir le prophète alayhi salam. Ils lui ont dit, ô messager d'Allah, et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est qui les gens? Ou c'est qui la délégation? Ils lui ont dit, nous sommes de Rabi'a, c'est-à-dire de la tribu de Rabi'a. Il leur a dit, bienvenue aux gens, bienvenue à la délégation. Ils lui ont dit, Ya Rasulallah, nous venons de très loin. Entre nous et toi, il y a ce quartier de mécréants, ou ces tribus de mécréants, de Modar, de la tribu de Mondal. On ne peut pas venir te voir tout le temps. On ne peut venir que durant les mois sacrés. Pourquoi les mois sacrés? Parce que durant le mois sacré, même les gens de la période pré-islamique, ils ne faisaient pas la guerre, ils ne payaient pas, ils ne tuaient pas. Et ils lui ont demandé, ordonne-nous quelque chose que nous allons annoncer à ceux qui sont restés derrière nous, c'est-à-dire à nos tribus, à nos familles. Et avec laquelle on va rentrer au paradis. Regarde comment les gens, qu'est-ce qu'ils demandaient, Ridwanullah alayhi. Annonce-nous, ordonne-nous quelque chose que nous allons mettre en application et que nous allons annoncer à nos familles, à notre tribu, avec laquelle nous allons rentrer au paradis. Ils cherchent le moyen pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et il a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné quatre points. Il leur a interdit quatre choses. Et il a dit, il leur a ordonné la foi en Allah uniquement. Et il leur a dit, est-ce que vous connaissez, vous savez ce que c'est que la foi? Ils ont dit, Allah et son messager seuls le savent. Il dit, attester qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et que vous donnez le cinquième du butin jusqu'à la fin du hadith. Ici, une chose très importante doit attirer ton attention. Wafd ibn Qais, Wafd Abd al-Qais, ce sont des Arabes, alayhi salam. Et pourtant, il leur a dit, est-ce que vous savez ce que c'est que la foi? Ils ont dit, sauf Allah et son messager le savent. Pourtant, l'iman en arabe, les Arabes savent ce que ça veut dire. Mais là, ça veut dire qu'il y a autre chose. Il y a une signification législative. Qui dépasse la signification linguistique à l'islam. C'est pour ça, quand quelqu'un il dit, moi je connais l'arabe et je comprends, hada, il risque de tomber sur la mer de sa tête. Comme ça s'est passé avec Sayyid Qutb dans toutes ses interprétations qu'il a faites des versets du Coran. Donc il ne faut pas être imbu de soi, moi j'ai l'arabe. Abadan. Plus la signification arabe, il y a la signification de la législation. Ce sont des arabes, des purs arabes. Le Coran est descendu avec leur langue. Et ils disent, quand il leur a posé la question sur ce que ça veut dire la foi, ils ont dit, il n'y a qu'Allah et son messager qui le savent. Et après Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, au-delà de la signification linguistique, il leur a dit, la foi, c'est le fait d'attester qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, et Muhammad est le messager d'Allah, et l'accomplissement de la prière, et le fait de s'acquitter de la zakat, le fait de jeûner le mois de Ramadan, et le fait de donner aussi le cinquième du butin, le butin de guerre. فالشاهد يقول الشيخ منه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأعمال الإسلام ظاهرة. Le témoignage ici, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a expliqué l'iman avec les actes de l'islam apparente. Avec l'acte de la langue qui est le fait d'attester, la prière, la zakat, le jeûne et ainsi de suite. قوله من السنة الحديث الثابت في الصحيح قلت هو في صحيح مسلم وله قصة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفذت أزواد القوم قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاء ذو البر ببره وذو التمر بثمره قال مجاهد وذو النواة بنواه قلت وما كانوا يصنعون بالنوى قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء قال فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم فذكره. Et Cheikh de nous dire, et quand l'imam Mohamed Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, il a dit de la sunna, le hadith confirmé, authentique, dans l'authentique, Cheikh Ubayd de nous dire, ce hadith, il est dans l'authentique de muslim. Et il a une histoire. Et ce hadith, il est raconté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui a dit, nous étions en voyage avec le prophète alayhi salam, et tout d'un coup, plus personne n'avait, la nourriture est terminée, plus personne n'avait de nourriture, jusqu'à tel point qu'ils ont failli égorger leurs bêtes, leurs montures. Et Omar est venu voir le prophète alayhi salam, il lui a dit, ya Rasulallah, si tu leur demandes de te ramener tout ce qui reste d'eux, le peu qu'il leur reste de leur nourriture. Ils ont commencé à ramener à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ce qu'ils avaient, un peu de grain, un peu de ceci, un peu de date, et même les noix de date. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec les noix de date? Ils les suçaient et ils buvaient de l'eau dessus. Ils les suçaient et ils buvaient de l'eau dessus. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a réuni tout ça et il a fait dua dessus, et toute l'armée, après toute la troupe, a pu remplir son sac de provisions, et il l'a cité. Qaouleh, أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. إذن الصحابي تلدي ها جاتس كني دين دي تخدوك الله كي كي جو سوي لو ميساجي دالله. الشهادة في اللغة أخ الإسلام الإعلام والإقرار، والمراد به هنا اعتراف المكلف لله بالعبادة والوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. لا تستسيون ici en langue arabe, frère en Allah Azza wa Jal, c'est l'annonce et la confirmation. Tu confirmes quelque chose, tu l'annonces cette chose. Hein? Et ce qui est voulu ici, c'est que le pubère, hein, reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala et confirme à Allah subhanahu wa ta'ala comme quoi il est le seul digne d'être adoré. Et confirme au messager alayhi salatu salam le message alayhi salatu salam. Qawluhu la yalqa Allah bihima abdun. Et quand il a dit, hein, le serviteur retrouve Allah avec, quand ayyoum al-qiyama bishahadati lillah bilwahdani ou linabi bilrisala, quand cela, quand il va retrouver Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, il retrouve Allah subhanahu wa ta'ala avec quoi? Avec l'attestation de foi, comme quoi Allah est le seul digne d'être adoré, et que le messager, hein, il était véridique dans son message, et qu'il a reçu le message, min Allah azza wa jalla, l'attestation qu'il a eu le message. قوله غير شاك فيهما. Quand il a dit aussi, il a aucun doute, il a aucun doute là-dessus, c'est-à-dire sur l'attestation. أي غير مرتاب ولا متردد وهذا وجه الشاهد من الحديث. Et il a dit, il a aucun doute là-dessus. Ça veut dire qu'il n'avait pas de doute, il n'était pas hésitant sur quoi? Sur l'attestation de voix. Ni digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le serviteur et le messager d'Allah. Et ça, c'est le point du témoignage dans ce hadith pour cette condition. Hein? Les conditions à l'islam, que tu saches, les compagnons n'avaient pas besoin de tous ces détails. Hein? Ça coulait de soi, la langue était la leur. Quand ils avaient un problème, le prophète alayhi salam leur expliquait, ils avaient besoin. Les conditions, ceux qui en ont besoin, ce sont des gens comme nous, qui sont loin de la source et qui n'ont pas les outils, hein? Ben les hommes de science que Allah subhanahu wa ta'ala les comble de sa sainte miséricorde, après avoir lu le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sunna du prophète alayhi salam et l'interprétation des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, pour nous rapprocher cette science de la parole d'Allah et de l'authentique de la sunna, et cette science concernant les croyances et concernant ce que nous devons faire, ben ils ont divisé les sujets par des conditions, par des obligations, par des piliers, et ainsi de suite. Tout simplement. Hein? Et si tu as l'exemple devant toi sur les conditions de la ilaha illallah, que tout ceci est prouvé par la parole d'Allah et par la sunna du prophète, alayhi salam, que ça ne sort pas de là. Hein? Et donc tout ce qui reste avec nous, ça va être comme ça. Toutes ces conditions, tu as les preuves de la parole d'Allah et les preuves de la sunna du prophète alayhi salam, ainsi que certaines paroles de nobles compagnons de leurs successeurs, ridwanullah alayhim. Qawluhu wa fi riwaya qultu huwa kalladhi qablahu 'inda muslim wa bi nafsi as-siyaq ma'a ikhtilafin yasir wa fi tahdid bi anna tilka al-hadithah waqa'at fi ghazwati badr. Il a dit dans une autre version, Cheikh Ubayd de nous dire, il est comme le hadith auparavant, c'est-à-dire le hadith du voyage là. Et il est aussi chez Muslim. C'est une autre version, il est chez Muslim. Dans le même contexte, il ramène la même histoire, sauf avec une petite divergence. Et aussi, dans l'autre version, il y a une limite que la bataille à laquelle ils étaient envoyés, pour laquelle ils étaient envoyés, c'était la bataille de Tabouk. قوله فيحجب عن الجنة C'est-à-dire que tout ce hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu wa arda, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait du'a sur la nourriture a été augmenté, dans laquelle il y a à la fin, j'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, et que je suis le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, chez une personne rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec, il ne sera pas privé, il n'y aura pas de barrière entre lui et le paradis. Hein? Yaqul fayuhjabu anil janna, et quand il a dit et il y aura et il y aura pas de barrière entre lui et le paradis, ay la yumna'u 'anil janna wa la budda hiya ladhalik min bayan amrayn. Ça veut dire, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire tout simplement qu'il n'y a rien qui va lui interdire le paradis du moment qu'il a attesté qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que le messager d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou n'ayons pas de doute, où n'ayons la certitude, bah, il n'y aura pas de barrière entre lui, il n'y a rien qui va l'empêcher de rentrer au paradis. Et, cher de nous dire, devant cette phrase, rien ne l'empêchera de rentrer au paradis, il y a besoin de s'éclairer sur deux points. L'awwal, amna al-hajba anil jannati naw'an. Le premier, c'est que le fait d'être empêché de rentrer au paradis ou d'avoir une barrière pour rentrer au paradis est de deux sortes. Hajbun da'im. Wa hada fi haqq al-kuffar. Wa huwa al-manfi 'amma laqiya Allah 'ala at-tawhid. Une barrière éternelle. Il se livrera jamais. Une interdiction éternelle. Il se livrera jamais et cela concernera les mécréants. Hein? Et cela ne concerne pas les monothéistes. Ne concerne pas les gens du monothéiste. Wa tani hujb muraqqat. Wa hada qad yusibu ba'd al-muwahhidin liqtirafihim al-kaba'ir kama dallat 'alayhi al-ahadith al-mutawatirah fi al-shafa'a. Le deuxième point, c'est que c'est une interdiction temporaire. Et ça peut arriver à certains monothéistes qui sont tombés dans certains péchés capitaux. Comme le prouvent les hadiths rapportés par plusieurs voies et à plusieurs étapes de la chaîne de transmission, hein, les hadiths concernant l'intercession du prophète alayhi wa sallam. Qui sera pas pour qui ? Il sera pour les gens du monothéisme. Wal amru thani. أن الحجب المنفي في هذا الحديث ليس على إطلاقه بل مقيد بالقيود الثقال من العلم بمعنى لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها. وستعرف مزيدا من البسط عند كلامنا على حديث عتبان في شرط الإخلاص. Et le deuxième point à connaître en ce qui concerne qu'il ne sera pas privé du paradis et qu'il n'y aura pas de barrière entre lui et le paradis, c'est que cette barrière concernant et dans ce hadith n'est pas dans le sens large du terme comme ça. Il est conditionné par des conditions très lourdes. Il est conditionné par des conditions très lourdes dans l'islam. Et ouvre bien tes yeux, tes oreilles. Hein? La science. Connaître la signification de la ilaha illallah et mettre en application les obligations de la ilaha illallah. Et tu sauras en détail tout ceci quand Cheikh nous dit, vous allez avoir plus de détails quand on parlera du hadith de Utban en ce qui concerne la condition de la sincérité. C'est-à-dire que rien ne va empêcher la personne de rentrer au paradis. C'est pas au sens large du terme. Il y a des conditions à ramener. C'est le fait de connaître la ilaha illallah, la signification de la ilaha illallah et les conditions de la ilaha illallah et de mettre en application les obligations de la ilaha illallah. قوله عن أبي هريرة أيضا من حديث طويل قلت هو عند مسلم ولفظه. Et quand Imam Muhammad ibn Abdullah rahmatullah il a dit et de Abu Huraira aussi dans un long hadith Cheikh Hafidhahullah Ta'ala de nous dire ce hadith, il est chez l'imam muslim et son expression Kunna qu'oudan hawla rasoulillahi sallallahu alayhi wa sallam معنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فذرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه فاحتفز والربيع الجدول فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et ce hadith long qui n'a pas été cité par Cheikh Mohamed Ibn Al-Habsh, Cheikh Ubayd Hafidhahullah Ta'ala, de nous le citer en entier. Il dit que Abu Huraira a dit, radiallahu anhu arda, que nous étions assis autour du prophète alayhi salam. Il y avait avec nous Abu Bakr et Omar, radiallahu anhu majma'in, et beaucoup de gens. Et tout d'un coup, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est parti. S'est levé, et il est parti, il a disparu. Et il était. Il a mis du temps pour revenir, nous ne le voyons plus. Il a mis du temps, il a tardé à revenir, nous avions eu peur pour le messager d'Allah. Et Abu Huraira de dire, j'étais le premier à aller le chercher. Je suis sorti chercher le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et je suis arrivé sur le mur d'un jardin qui appartenait à Banu Najjar parmi les familles d'Al Ansar. Elle dit, j'ai tourné autour du mur du jardin, je ne vois pas, j'ai pas trouvé de porte. Et tout d'un coup, j'ai vu un trou. C'est le trou qu'il y a pour la conduite d'eau. Il a dit, j'ai fait comme fait le renard. Je me suis fait tout petit, j'ai glissé par le trou et je suis rentré. Et j'ai trouvé le prophète alayhi salatu salam. Fadakhaltu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, faqala Abu Huraira, faqultu na'am ya rasulallah. Qala ma sha'anuk. قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. Et quand il est rentré chez le prophète عليه الصلاة والسلام dans ce jardin, il a dit Abu Huraira, il a dit certes ya Rasulallah, oui, dit qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux? Tu es au milieu de nous, ô messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu es parti, et tu as tardé, nous avions eu peur pour toi. Et je suis le premier qui est parti te chercher. Et je suis arrivé autour de ce mur, j'ai pas vu de porte, j'ai vu que le trou, et j'ai fait comme fait le renard et je suis rentré. Qala. Et les gens sont derrière moi. C'est-à-dire, les gens me suivent à ta recherche. قال اذهب بنا علي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه. الرسول صلى الله عليه وسلم lui a donné ses chaussures. Il lui a dit vas-y. Sors. Et tous les gens que tu trouves derrière ce mur, derrière le mur de ce jardin, qui attestent qu'ils n'est digne d'être adoré qu'Allah, avec certitude dans leur cœur, annonce-leur le paradis. Avec certitude dans leur cœur, annonce-leur le paradis. Fadakar al-hadith, wa fihi anna Omar qal, ya Rasulallah, bi abi wa ummi, abta'atta Aba Huraira bin alayk, man laqiya. يشهد أن لا إله إلا مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخليهم يعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليهم يعملون فخليهم إيه إلى سيتي الحديث Et dans ce hadith, il n'y a que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu warda, c'est le premier qui a rencontré Abu Huraira. Il l'a fait revenir, il l'a même tapé sur la poitrine. il l'a fait revenir vers le prophète alayhi salam. Et Omar ibn Khattab, quand ils sont devant le prophète alayhi salam, il dit, je sacrifierai pour toi ma mère et mon père, et ce que tu as envoyé Abu Huraira avec tes chaussures pour annoncer aux gens qui attestent Nidine d'être adoré, qui attestent l'attestation de foi avec certitude dans leur cœur qu'ils ont le paradis. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Il a dit alors ne le fais pas ya Rasoul Allah, ne le fais pas. Allez, car j'ai peur qu'il s'appuie sur ça. Et qui, ça veut dire qu'il s'appuie que sur la parole comme ça, cette parole ayant la certitude dans le cœur et qu'ils fassent rien, qu'ils œuvrent pas. Laisse-les œuvrer. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit d'accord, laisse-les œuvrer. Qawluhu fabashirhu, cela te prouve quoi? Que la foi tout simplement dans le cœur ne suffit pas, il faut des actes qui prouvent cette foi. Que fait partie de la foi les œuvres à l'islam. Les œuvres font partie de la foi. Qawluhu fabashir, et quand il a dit annonce-leur, annonce-lui. Yuqalu abshartu ar-rajul wa bashartuhu. وبشرته أخبرته بسار بسط بشرة وجهه وذلك أن النفس إذا سرت انتشر الدم فيها انتشار الماء في الشجر والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يعلم كل مسلم لقيه بأنه من أهل الجنة إيه الذي فبشره الشيخ دون دوني لانتربرتاسيون دو ce que ça veut dire ce verbe Bacharto, je lui ai annoncé une bonne nouvelle qui a fait que les traits de son visage ont changé. Et sur les traits de son visage est apparu la réjouissance et le bonheur. Car quand la personne reçoit une bonne nouvelle et réjouit d'une bonne nouvelle, le sang court dans ses veines et fait et tout apparaît sur le visage. Et la signification, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Abu Huraira d'annoncer à tout musulman qui retrouve Allah subhanahu wa ta'ala en ayant la certitude dans son cœur avec la ilaha illallah qu'il fait partie des gens du paradis. Qawluhu mustaqinan biha qalbu ishtiratul yaqin yastalzimu nafya ash-shakk war-rayb wa hadha huwa mahallu ash-shahid min al-hadith. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit en ayant la certitude dans son cœur, Cheikh Hafidhahullah ta'ala de nous dire cela, il a émis la condition de la certitude, cela implique que la personne n'a aucun doute sur cette attestation. Et ça c'est le point du témoignage dans ce hadith pour cette deuxième condition qui est la certitude de la ilaha illallah. Ma tufidu l'ahadith. Qu'est-ce que nous retenons maintenant de ces hadiths cités dans ce passage et pour cette condition? Awalan, wujub al-iman bil yawm al-akhir wa ma fihi min hisab wa jaza. Premièrement, il sort et on doit retenir de ce hadith qu'il est obligatoire de croire en l'au-delà et en le jour de la résurrection, le jour des comptes et des récompenses. Taniyan, فضل التوحيد وأنه سبب في دخول الجنة لمن مات عليه موقنا به. Deuxièmement, les vertus du monothéisme, et que c'est l'une des causes pour rentrer au paradis pour celui qui meurt sur le monothéisme, c'est la cause qui va le faire rentrer au paradis. Thalithan, أن العبرة في قبول الشورى بالإصابة وإن كانت من واحد وأنه لا عبرة بجمع الأصوات. Troisièmement, on retient aussi que quand il y a une concertation, que la parole qui est acceptée, c'est la parole qui est dans le mille et qui est juste, même s'il vient d'un. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ici, il a pris la parole de Omar ibn Khattab alors qu'il est seul. Il a dit, ne le fais pas, ya Rasoul Allah. Et que Il ne faut pas prendre en considération les voix, comme on le fait maintenant dans leurs élections et dans leur prétendue démocratie. رابعا إن ذرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ومرد ذلك إلى الشرع لا إلى مجرد العقل وشواهد ذلك من النصوص تفوق الحصر ولا يتسع المجال لذكرها في هذا الموضع quatrièmement repousser le mal doit être mis en avant avant de ramener un bien on doit repousser le mal. Et tout ceci revient à la source, c'est la législation, et non pas à la raison. C'est pas la raison qui décrète, c'est la législation. Et le témoignage pour cette règle sont nombreux dans les textes de la révélation, que ce soit la sunna ou que ce soit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont très nombreux. Dal ul-mafaz, le repousser le mal ici, tu le retrouves dans quel hadith? Dans l'histoire du hadith d'Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, et de la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si on leur annonce, ça, ils ne vont plus rien faire. Laisse-les œuvrer. Salawat au Rabbi wa salamu alayhi. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agré le noble compagnon Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, Ash-shartu talit, la troisième condition, al-ikhlas, al-munafi, al-shirk. La troisième condition, c'est la certitude qui est le contraire de l'associationnisme. وَدَلِيلُ الْإِخْلَاصِ قَوْلُهُ تَعَالَى أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Et la preuve de la sincérité est ce verset. Certes, à Allah la religion sincère. C'est-à-dire la religion qui n'a pas été accomplie sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala la rejette sur la personne. Et dans l'autre parole, il l'aura été, dans l'autre verset, il l'aura été ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement dans la religion et d'être monothéiste. Wa min as-sunnah al-hadith thabit fi as-sahih 'an Abi Hurayra radiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. Et de la sunna, la preuve de la sunna pour cette condition, le hadith authentique. D'Abu Hurayra رضي الله عنه وارضاه, الرسول صلى الله عليه وسلم lui a dit, celui qui va être le plus heureux et le plus réjoui par mon intercession, c'est celui qui aura dit la ilaha illallah sincèrement avec son cœur ou sincèrement dans son fort intérieur. Wa fi sahih an Utban ibn Malik radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah 'azza wa jall. Et dans l'authentique, le hadith de Utban, radiyallahu anhu wa arda Utban ibn Malik, et que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au feu de l'enfer. Celui qui dit la ilaha illallah, velons par cette attestation la face d'Allah azza wa jal. وَلِلنَّسَاءِ فِي الْيَوْمِ وَالْلَيْلَ مِنْ حَدِيثِ رَجُلَيْنِ من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه يصدق بها لسانه إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤاله. Et Cheikh Mamdou Abdel Wahab de citer un hadith ici chez Nasa'i dans les actes du matin et du soir, et le hadith de deux hommes parmi les nobles compagnons de Allah alayhim, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, Celui qui atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, et qu'il est le seul digne d'être adoré, qui n'a pas d'associé, et qu'il a la royauté, et qu'il a la louange, et qu'il est capable de tout, avec sincérité dans son cœur, et véracité avec sa langue, Allah subhanahu wa ta'ala fait une fissure dans le ciel, et pour regarder qui parmi les gens de la terre a dit cette phrase, et il est un serviteur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a regardé, il mérite qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne tout ce qu'il demande. Le hadith, il est faible, comme va nous le montrer cher Ubayd à la fin de ce passage. Hein? Le hadith, il est faible, comme nous le montrera cher à la fin de ce passage, Inch'Allah. قوله الإخلاص هو في اللغة التصفية. Quand il dit la sincérité, إخلاص, en langue arabe, ça veut dire purifier. Je te donne un exemple. J'ai un tas de grains mélangés. Le blé, l'orge et le riz. Maintenant, pour que ça soit pur, il faut que je fasse un travail. Je trie le riz tout seul. Pour que je puisse dire le riz pur. Hein? Je prends aussi le blé pour le sortir, pour dire, ça c'est blé, khalis, pur. Et la même chose pour l'orge, s'ils sont trois sortes de grains. Et c'est la même opération que font les éleveurs d'abeilles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils purifient le miel de la cire. Donc là on ne sait pas, c'est pour ça il est marqué dessus Asal Khalis, et qui revient à dire un miel pur. En langue arabe, ça veut dire la pureté, la purification. Purifier la chose et la séparer d'une autre chose. Lakin fi shara Tkhlisu l'ibada wa tasfiyatuha min sha'ibati shirk wa riya. Et dans la législation, c'est purifier les actes d'adoration de toute forme d'associationnisme. Grand, petit, et de l'ostentation. C'est réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu ala lillahi d-dinul khalis. Qala ibn Kathir rahimahullah. Ay fa'budhu. Fa'budillaha wahdahu la sharika lah. Wad'u al-khalqa ila thalik. واعلمهم انه لا تصلح العباده الا له وحده وانه ليس له شريك ولا عديل ولا نديد ولهذا قال تعالى الا لله الدين الخالص اي لا يقبل من العمل الا ما اخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له انتهى كلامه رحمه الله تعالى كنت à la parole du verset qui dit « Et à Allah appartient à la religion sincère », Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il a dit « Adore Allah uniquement, ne lui fais pas d'associé. Il appelle les gens vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala, et annonce-leur que l'ibada doit être seulement pour Allah, subhanahu wa ta'ala, uniquement, et qu'il n'a pas d'associé, il n'a pas d'équivalent. » Et il dit, c'est pour ça qu'il a dit « Ala lillahi d-dinul khalis » « Allah appartient à la religion sincère. » Il n'accepte aucune œuvre. Il n'acceptera que les œuvres qui ont été accomplies sincèrement pour lui, sans lui faire d'associé. Et ici s'arrête et se termine la parole d'Ibn Kathir, rahimahullah. « Wa qala ibn Sa'di, rahimahullah, hada » تقرير للأمر بالإخلاص وبيان أنه تعالى كما أن له الكمال كله وله التفضل على عباده من جميع الوجوه فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به. Ibn Sa'di رحمه الله pour l'interprétation de cette partie du verset, il a dit ça. C'est la confirmation de l'ordre de la sincérité. Et ça nous éclaire sur le fait comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est parfait dans tout, et qu'il comble ses serviteurs par les bienfaits de toutes parts, ou si il lui appartient à la religion sincère, la religion qui purifie de tout ce que toute chose qui doit l'altérer, qui l'altère. Car c'est la religion qu'il a agréée pour lui-même et qu'il a agréée pour les élus parmi ses créatures, et il leur a ordonné cette religion. Il leur a ordonné quoi? C'est quoi cette religion? Le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده. Car il contient le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de l'aimer, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ton amour, ta peur, ton espoir, et de revenir, de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir tout ce que tu veux d'Allah subhanahu wa ta'ala. وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرها دون الشرك به في شيء من العبادة فإن الله بريء منه وليس لله فيه شيء انتهى محل الشاهد. Car c'est ça qui purifie les cœurs, c'est ça qui réforme les cœurs, qui les purifie, hein? Contrairement à l'associationnisme dans les adorations. Car Allah subhanahu wa ta'ala désavoue toute forme d'associationnisme. Et toute forme d'associationnisme n'appartient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala la rejette. Et s'il s'arrête là, le passage du témoignage pour l'interprétation de ce verset, c'est l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala. ويزيد ما ذكره هذان الإمامان في معنى الآية توضيحا وتأكيدا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. Nous donnons encore plus d'éclaircissement sur ces paroles qui ont été citées par ces grands imams qui sont l'imam Sa'di, l'imam Ibn Kathir rahmatullah alayh, et nous le confirmons encore plus qui a été rapporté par l'imam Muslim rahimahullah dans son authentique il hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu wa arda, qui a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai pas besoin d'associer, et celui qui œuvre une œuvre dans laquelle il m'associe quelqu'un, je le délaisse avec son associé. قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء تمامها ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Et quand il a cité le verset, il leur a été ordonné d'adorer Allah sincèrement dans leur religion et d'être monothéiste. La fin de ce verset dit: et d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat, et ça c'est la religion de droiture. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وما أمروا في سائر الشرائع إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه. الشيخ سعدي رحمه الله تعالى يدير il leur a pour le verset il leur a été ordonné, c'est-à-dire dans toutes les législations, tous les prophètes ont ramené ça, cet ordre à leur peuple du fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a été ordonné d'adorer Allah et d'accomplir la religion sincèrement pour Allah, c'est-à-dire que tous leurs actes d'adoration doivent être voués pour Allah subhanahu wa ta'ala, les actes apparents et les actes de l'intérieur, et qu'il doit vouloir avec ça la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de demander avec ses actes accomplis sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala d'être qu'il les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hunafa ay mu'ridina ma'ilin an sa'ir al-adyan al-mukhalifa li din at-tawhid. Et il a dit hunafa, ça veut dire qu'ils doivent se détourner de toutes sortes de religions qui est le contraire de la religion du monothéisme. وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين له الدين لفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين، وذلك أن التوحيد والإخلاص في الدين هما دين القيمة أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. Et il a fait particulier dans le verset la prière, il les a cités en particulier la prière et la zakat. Alors que la prière et la zakat rentrent dans toute forme d'adoration, parce qu'il a dit et qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement dans leur religion. Pourquoi? Parce que la prière et la zakat ont des vertus ou un honneur particulier. Et ce sont des adorations, celui qui les accomplit, il a accompli toutes les autres législations de la religion. Et aussi que le monothéisme, وذلك il a dit, et aussi, cela veut dire que le monothéisme et l'accomplissement de la religion, sincèrement pour Allah, c'est dinul qayyima, c'est la religion de droiture, qui amène vers les paradis, les jardins d'idylice. Et en dehors de ça, ce sont des chemins qui vont amener vers l'enfer. Ici s'arrête l'interprétation de Sa'di rahimahullah. قلت أي شيخ عبيد وفيما أسلفنا من الأدلة على وجوب الإخلاص وما يأتي في الباب تأكيد لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ عبيد de dire, je dis, dans ce que nous avons avancé comme preuve qu'il est obligatoire, hein, que la sincérité est obligatoire, et tout ce qui va arriver aussi dans ce chapitre confirme ce qu'a dit Cheikh Rahimallah, c'est-à-dire ce que a dit Cheikh Mohamed Abdelhab Rahmatullah alayh concernant cette condition qui est la sincérité. Qawlu wa min as-sunna al-hadith al-thabit fi as-sahih an Abi Huraira radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. إيه اللي حفظه الله تعالى. كنت الشيخ محمد بن الوهاب دي دو لا سنة لو حديث كونفيرمي دابو هريرة الله سبحانه وتعالى لاغري دي بروفيت عليه الصلاة والسلام يدي ها celui qui va être réjoui ou qui va être dans le bonheur avec mon intercession, c'est celui qui aura dit La ilaha illallah avec sincérité dans son cœur ou dans son fort intérieur. يقول الشيخ حفظه الله قلت الحديث في صحيح البخاري وغيره ولفظه عند البخاري عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. الشيخ دونودير شيخ عبيد حفظه الله تعالى السحاديث اللي دون لتونتيك دو البخاري إشي دوتر. Et l'expression de ce hadith chez le Bukhari de Abu Hurairah radiyallahu anhu arda, il a dit que le Rasoul, qu'il a été dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui sera le plus réjoui par ton intercession le jour de la résurrection? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je croyais que personne n'allait me demander ceci à part toi ya hadith, à part toi ya Abu Hurairah, parce que je voyais comment tu tenais au hadith. Et ça, c'est une éloge de la part du prophète alayhi salam à ce Abu Hurayra radiyallahu anhu arda. Vous voyez que je vois que tu tiens au hadith. Et le Rasoul sallallahu alayhi salam lui a dit, la personne qui va être le plus réjoui et dans le comble du bonheur avec mon intercession le jour de la résurrection, la personne qui aura dit la ilaha illallah sincèrement dans son cœur ou dans son fort intérieur à l'islam. يقول الشيخ واعلم بأن الشفاعة المذكورة في هذا الحديث هي الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين تلك الشفاعة التي أنكرها طوائف من المبتدعة كالخوارج والمعتزلة Et Cheikh de nous dire, il sache que cette intercession qui est citée dans ce hadith, c'est la shafa'a, c'est l'intercession qui concerne les gens qui sont tombés dans les péchés capitaux parmi les monothéistes. Cette intercession qu'ont rejetée, que n'ont pas reconnu certains groupes innovateurs comme le Khawarij et comme le Mu'tazila. قال الحافظ في الفتح على هذا الحديث لعل أبا هريرة سأل عن ذلك عند تحديثه صلى الله عليه وسلم بقوله وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وقد تقدم سياقه وبيان ألفاظه في أول كتاب الدعوات ومن طرقه شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الحافظ بن حجر رحمه الله dans son interprétation de Sahih al-Bukhari concernant ce hadith de Abu Huraira qui vient d'être cité. Et peut-être qu'Abu Huraira a posé cette question à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam une fois que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit et je cache, je garde mon intercession pour ma communauté le jour de la résurrection dans le delà. Et le hafid de dire et l'expression de ce hadith et le contexte de ce hadith et l'éclaircissement sur les expressions de ce hadith sont passés au début du livre Da'awat. Et de la même voie, mon intercession sera pour les gens des péchés capitaux de ma communauté. C'est la parole du messager alayhi salatu wassalam. قلت وبهذا يتضح لك صحة احتجاج أهل السنة والجماعة على ثبوت هذه الشفاعة وفساد مذهب المخالف. Il dit, حفظه الله تعالى, Cheikh Ubayd, comme ça, il t'apparaît clairement la validité des preuves des gens de la Sunna et l'authenticité des preuves des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna dans la confirmation de l'intercession dès l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam vis-à-vis des personnes monothéistes qui sont tombées dans les péchés capitaux et que ceux qui sont en divergence avec eux sont dans le faux. قوله وفي الصحيح عن عثمان بن مالك. Et quand Cheikh l'Islam Mohamed Abdel Wahhab a dit dans l'authentique de Uthman ibn Malik, قلت الحديث عند الشيخين وله قصة ولفظ البخاري أن عثمان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم لوددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. الشيخ دون دير شيخ عبيد يجديك الحديث دو عتبان. Il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Et l'expression ici, celle de Uthman, celle de Bukhari, que Uthman ibn Malik, il est un des nobles compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui a combattu lors de la bataille de Badr. Il fait partie des Ansar, des alliés de Médine, et que cet Ansar, ce Uthman ibn Malik est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit Ya Rasoul Allah, je ne vois plus. C'est-à-dire, il est devenu aveugle, radiallahu anhu arda. Et je suis l'imam pour mon peuple. Et quand il y a trop de pluie, et quand il y a l'orage et les inondations des ouèdes, je ne peux, ça me coupe la route et je ne peux plus venir à la mosquée pour faire leurs imams. J'aimerais au messager d'Allah que tu viennes chez moi, que tu pries dans ma pièce, comme ça je la prends comme mon salla. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit je le ferai incha'Allah. Qala Uthban faghada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr hin irtafa an-nahar فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك. Et Utban de dire, le lendemain matin, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est arrivé chez lui avec Abu Bakr, alors que le soleil était déjà levé. Et il a demandé l'autorisation de rentrer, Utban lui a donné l'autorisation de rentrer, et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas assis avant de demander à Utban, où est-ce que tu aimerais que je prie pour toi? Où tu aimerais que je prie dans ta pièce, dans ta maison? Et il lui a montré. فقال فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحزبناه وحبسناه على خزيرة صنعناها له اي الرسول صلى الله عليه وسلم lui a demandé où est-ce que tu veux que je prie dans ta pièce. Il lui a montré la pièce. Ils se sont levés derrière lui, ils se sont alignés en rang, ils ont prié derrière le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont gardé le prophète alayhi salam pour une nourriture qu'ils avaient préparée. قال فتاب في البيت رجال من اهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم اين مالك بن الدخيش او بن الدخشن فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره إيه لم يزن a été regorgé de monde. Le prophète alayhi salam est venu, donc il y a beaucoup de monde qui est venu à la maison de Utban ibn Malik radiyallahu anhu wa arda. Et ils se sont réunis autour du prophète alayhi salam. Tout d'un coup, quelqu'un il dit, où il est Malik ibn Dukhayshan ou ibn Dakhshan? Quelqu'un a dit parmi l'assistance, celui-là est un hypocrite qui n'aime pas Allah, qui n'aime pas son messager. Le Rasoul sallallahu alayhi salam lui a dit, ne dis pas ça. T'as pas vu, il a dit la ilaha illallah, voulant avec la face d'Allah. Et l'homme lui a dit, il n'y a qu'Allah et qui sont messagers qui le savent. Et il a dit, nous voyons que il est tout le temps, ses conseils et sa compagnie, ce sont les hypocrites. Hein? Qawluhu, fa inna Allah qad harrama ala an-nar. Et quand il a dit, hein, il a cité le hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Le feu, interdit au feu, qulto, c'est-à-dire il est interdit au feu qui? Ceux qui disent la ilaha illallah, voulant avec la face d'Allah, sincèrement dans leur cœur. Il dit le cheikh, qulto at-tahrim naw'an, tahrim dukhul, wa hada fi haqqi man mata ala at-tawhid, ghayr murtakib lil kaba'ir wa la musir ala as-sagha'ir. Pour l'interprétation de la parole du hadith, d'une partie du hadith qu'a cité Cheikh Mohamed Abdelhab, rahmatullah alayh, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah interdit pour le feu de l'enfer qui, celui qui a attesté qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, sincèrement avec son cœur. Cheikh Obaid de nous dire l'interdiction, il est de deux formes d'interdiction. Une interdiction de rentrer au paradis, de ne pas y rentrer. Hein? Et cela, c'est pour les monothéistes, qui sont morts en n'ayant accompli aucun péché capital et on ne tombe pas constamment dans les petits péchés. Ceux-là, ils ne rentreront pas en enfer. Ils n'iront pas. C'est une interdiction totale que le feu les touche. Des monothéistes qui n'ont pas accompli et qui n'ont pas fait de péchés capitaux et qui n'ont pas été constamment dans les petits péchés. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient épargnés de l'erreur là. C'est pour ça qu'il te ramène cette condition et qu'il n'était pas constamment dans les petits péchés. وتحريم خلود وهذا في حق عصاة الموحدين كما دلت عليه أحاديث الشفاعة المتواترة في أهل الكبائر. Et l'interdiction d'y rester éternellement, et ça concerne les désobéissants et ceux qui ont accompli des désobéissances parmi les monothéistes. Comme le prouvent les hadiths de l'intercession, hein, concernant les gens des péchés capitaux parmi les monothéistes. قوله من قال لا إله إلا الله أي تلفظ بالشهادة ولا بد من العلم. بأن هذا القول مقيد كما سبق في حديث أبي هريرة في الشرط الثاني وكما سيأتي اليقين وعدم الشك ها Celui, et la parole du prophète alayhi salam, celui qui a dit la ilaha illallah, ça veut dire qu'il a prononcé avec sa langue, c'est la ilaha illallah. Hein? Et il est obligatoire d'avoir le savoir de cette parole. Hein? Et que cette parole, il est conditionné par des conditions, comme nous l'avons vu auparavant dans le hadith d'Abu Huraira, dans la deuxième condition, et comme il va arriver aussi dans les autres conditions. قوله يبتغي بذلك وجه الله أي يطلب ويرجل والإشارة بذلك إلى النطق بالشهادة. Et quand il a dit, عليه الصلاة والسلام, il veut avec ça, ça veut dire il espère avec sa prononciation de la ilaha illallah. قوله وجه الله في إثبات صفة الوجه لله والشاهد من الحديث اشتراط الإخلاص في النطق بالشهادة. Et quand il a dit la face d'Allah, ça veut dire que là, dans cette parole du prophète, il y a le fait de confirmer le visage à Allah, subhanahu wa ta'ala, cet attribut, l'attribut du visage, et aussi le témoignage dans ce hadith, c'est que ce hadith, pour que la personne soit épargnée du feu, que le feu ne le touche pas, il faut qu'il ait dit cette attestation avec sincérité. Avec sincérité. Voilà le témoignage ici, c'est la sincérité. يَبْتَغِي بِدَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ veut avec ceci, la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire, il a dit, la ilaha illallah, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. كَمَا يُفِيدُ أَحْكَامًا أُخْرَى مِنْهَا تَحْرِيمُ أَهْلِ التَّوْحِيدِ الْخَالِصِ عَلَى النَّارِ واعلم ان التحريم في هذه الحديث وما في معناه ليس على اطلاقه بل مقيد et aussi ce hadith te fait comprendre d'autres lois qui sont contenues de ce hadith que cette interdiction hein elle est particulière aux gens du monothéisme pur hein ils sont interdits au feu de l'enfer. Et sache que l'interdiction du feu de l'enfer dans ce hadith, et dans tous les hadiths qui sont dans ce sens-là, n'est pas au sens large du terme, il est conditionné. Comme le détail que nous avons vu tout à l'heure, que nous a fait Cheikh Hafidhahullah Ta'ala. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه على هذا الحديث بعد نقله كلاما مطولا لشيخ الإسلام بن تيمية وحاصله أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضى لذلك ولكن المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع ولهذا قيل للحسن إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. شيخ سليمان Ibn Abdillah, mon interprétation de ce hadith, après avoir rapporté de longues paroles du Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, il dit, et en résumé, la ilaha illallah est l'une des causes pour rentrer au paradis et pour être sauvé du feu de l'enfer. Mais cela implique des obligations et que cette cause pour rentrer au paradis, s'il n'y a pas ces obligations, ah, si ces obligations ne sont pas réunies, bah, il ne sera pas une cause pour rentrer au paradis. Ah, c'est pour ça, et que, on a dit, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il y a des gens qui disent que celui qui dit la ilaha illallah rentrera au paradis. Rentrera au paradis. Il a dit celui qui dit la ilaha illallah et qui s'acquitte des droits de la ilaha illallah et des obligations de la ilaha illallah rentrera au paradis. Pas tout simplement dire la ilaha illallah. Et il y a les droits de la ilaha illallah, de lesquels il y a des obligations de la ilaha illallah, desquels il faut s'acquitter. وقال وهب بن منبه لمن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح Wa ibn Munabbih, un grand tabi'i, rahimahullah, on lui a posé la question, n'est-ce pas que la ilaha illallah, c'est la clé du paradis? Il a dit, certes, c'est la clé du paradis. Mais chaque clé, il a des dents. Et si tu ramènes une clé qui a des dents, bah, la porte sera ouverte. Sinon, elle ne sera pas ouverte. Et les dents ici, il fait allusion à quoi? Il fait allusion aux conditions de la ilaha illallah et aux obligations de la ilaha illallah. ويدل على ذلك أن الله رتب دخول الجنة على الإيمان والأعمال الصالحة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي أيوب أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. Et le prouve aussi c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait que le fait de rentrer au paradis, il découle de la foi et des bonnes œuvres. Il en est de même dans la parole du prophète alayhi salam, dans les authentiques, le hadith d'Abi Ayyub, qu'un homme a dit « Ô messager d'Allah, annonce-moi une œuvre qui va me faire rentrer au paradis. » Et il a dit « T'adore Allah uniquement, sans lui faire d'associé, et que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, et tu entretiens la relation familiale. » Wafil Musnad عن بشر بن الخصاصية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن أقيم الصلاة وأن أوتي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله فقلت يا رسول الله أما اثنتين فوالله ما أطيقهما الجهاد والصدقة فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن. Et dans le musnad de Bishr ibn al-Khasasiya, il a dit, je suis venu voir le prophète alayhi sallam pour lui faire l'allégeance. Et il a émis comme condition pour mon allégeance, c'est que j'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad est le serviteur et le messager d'Allah, et que j'accomplisse la prière, et que je m'acquitte de la zakat, et que je fasse le pèlerinage de l'islam, et que je jeûne le mois de Ramadan, et que je combat sur le sentier d'Allah. Et je lui dis, ya Rasulallah, deux choses je ne peux pas le faire. Je ne peux pas les faire. Le combat sur le sentier d'Allah et l'aumône. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a retiré sa main pour ne pas lui faire l'allégeance. Il lui a dit alors, pas de combat, pas d'aumône, comment tu veux rentrer au paradis? Avec quoi tu veux rentrer au paradis? Qultu ya Rasoul Allah, ubayu'ka alayhinna kullihin. Et tout d'un coup, Bishr ibn al-Khassas a dit, ya Rasulallah, je te fais l'allégeance pour tout. Hein? Et à ce moment-là, Rasulallah lui a fait l'allégeance. Fafil hadithi, anna al-jihad wa sadaqa shartun fi dukhuli al-jannati ma'a husuli al-tawhid. Wa s-sala, wa al-hajj, wa al-siyam, wa al-ahadith fi hadha al-babi katira. Et, Cheikh de nous dire, dans ce hadith, hein? Tu vois que dans ce hadith, le combat sur le sentier d'Allah, la sadaqa, la charité, est une des conditions pour rentrer au paradis en ayant le monothéisme, en étant monothéiste. La prière aussi, le pèlerinage, le jeûne. Et il dit, les hadiths à ce chapitre-là sont nombreux. Wa fil hadith dalilun ala annahu la yakfi fil iman an natqu bi ghayri i'tiqad. Wa bil aks. وفي تحريم النار على أهل التوحيد الكامل وفي أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى. Dans le hadith, il y a aussi une preuve comme quoi dans la foi, ça ne suffit pas tout simplement la prononciation sans les croyances, et le contraire aussi, les croyances sans la prononciation. La abadan, il faut les deux. Et dans le hadith, il y a l'interdiction du feu de l'enfer et l'interdiction du feu de l'enfer pour les gens du monothéisme. Ceux qui ont accompli le monothéisme sont interdits au feu de l'enfer. Et dans le hadith, il y a aussi que les œuvres ne servent à la personne que s'ils sont accomplis sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici s'arrête ce qu'a cité Cheikh Ubayd Hafidhahullah ta'ala de Cheikh Sulaiman ibn Abdillah dont Taysir al-Aziz al-Hamid. يقول الشيخ عبيد قلت وهذا الذي ذكره الشيخ يتحتم المصير إليه جمعا بين النصوص. Il dit, الشيخ عبيد حفظه الله, est-ce que citer le Cheikh ici est obligatoire de réunir les textes pour ceci, c'est-à-dire que ceci doit être accompli, c'est-à-dire tout ce qui est cité dans le hadith, comme quoi il faut des œuvres, et la sincérité dans les œuvres, et il faut prononcer la ilaha illallah, et y croire sincèrement dans son cœur. Tout ceci doit être réuni dans les œuvres de la personne. Et que la foi fait partie de la foi, les œuvres, et ces œuvres doivent être accomplies sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. قوله وللنساء في اليوم والليلة من حديث رجلين قلت وفي إسناد محمد بن عبد الله بن ميمون ويعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال الحافظ في كل منهما مقبول والمعروف في من هذا حاله في اصطلاحه إنه لين الحديث إذا لم يتابع فالحديث على هذا ضعيف ولم أجد له من الشواهد والمتابعات ما يقويه والله أعلم إلى حديث النساء rapporté dans les œuvres du matin et du soir, le hadith des deux hommes. Il a dit, Hafidhahullah ta'ala, Cheikh Ubayd, dans sa chaîne de transmission, il y a Muhammad ibn Abdillah ibn Maymoun et Ya'qub ibn Asim ibn Urwa ibn Mas'ud. Le Hafid a dit de ces deux hommes que des deux ils sont acceptés. Est-ce qu'il connaissait quelqu'un dans sa situation, dans la situation de ces hommes décrits par comme quoi ils sont acceptés. Dans la terminologie de l'Hafidh Rahimahullah, ça veut dire qu'ils sont légers dans leur hadith. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre, si le hadith ne vient pas de d'autres voies. Et donc, partons de là, Cheikh Ubayd dit, donc le hadith, il est faible. Et je n'ai pas trouvé d'autres témoignages à ce hadith. Je n'ai pas trouvé des hadiths qui vont le renforcer. Et sauf Allah, subhanahu wa ta'ala, sait. Hein? Et on arrête là, Inch'Allah. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خير